buffet de la cuisine, le lit et le matelas, le frangin et les frangines, maman qui poussait papa. On a mis toutes les assiettes, le biberon dans un carton, le carton dans la poussette. On quittait notre maison pour une drôle d'habitation, pleine de portes et de fenêtres, pleine d'escaliers de béton. On y sera heureux peut-être. Toi tu regardais partir sans comprendre l'expédition, et moi j'ai bien cru mourir de chagrin et d'abandon. S'est refermé pour pas que les chiens s'en vont. Ému, tu m'as demandé si qu'on s'en va pour de bon. Oui, mais c'est pas pour toujours. Où je vais, je connais personne. On s'est quitté le cœur lourd sans que nul ne s'en étonne. Si seulement parfois les grands savaient tout le mal qu'ils font lors des grands déménagements aux petites filles, aux petits garçons qui vivent dans les buissons, les soupentes et les greniers, les amours des polissons. Moi je crois bien ça les ferait pleurer. Moi je crois bien ça les ferait pleurer.